إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture de ce livre qui est les trois fondements ou les trois principes de base de Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab rahimahullah. Nous en sommes arrivés au troisième fondement qui est la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le Cheikh dit la connaissance de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chacun se doit de connaître son prophète, celui qu'Allah a envoyé à nous. Celui qui a transmis le message, a explicité la législation d'Allah, nous a ordonné d'adopter ce qu'Allah a ordonné, celui qui nous a montré comment adorer Allah, raison pour laquelle nous avons été créés. Puis le cheikh dit, il est Muhammad ibn Abdillah, ibn, ça veut dire fils en arabe. Donc il est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Et Hashim faisait partie de la tribu de Quraysh. Et les Quraysh font partie des Arabes, qui font eux-mêmes partie de la descendance d'Ismaïl, fils d'Ibrahim, le rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que les meilleures grâces et les éloges soient sur lui et sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes et messagers qu'Allah a envoyé aux djinns et aux hommes de cette communauté. Allah l'a envoyé à l'humanité entière. Allah Ta'ala a dit à ce sujet, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dis, ô vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Puis il a dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Ainsi son nom est Mohammed. Il s'appelle également Ahmed. Il s'appelle également Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Muqaffi, car il est le sceau des prophètes, alayhi salatu wassalam. Tous ces prénoms ont été cités dans les hadiths authentiques. Il est le prophète du repentir, le prophète de la miséricorde et du combat. Tous ces prénoms que l'on a cités et ces caractéristiques font partie des noms du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, le plus célèbre, le meilleur et le plus beau de ces noms est Muhammad. Le nom par lequel ses proches l'appelaient. Et celui qui a été cité dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala quand il a dit Muhammadur Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Ensuite vient le nom Ahmed, utilisé par Isa alayhi salam, Jésus, lorsqu'il a annoncé la nouvelle de sa venue, comme cité dans le Coran. Mubashiram bi rasulin yati min ba'd ismuhu Ahmed. Et annonciateur d'un messager, c'est-à-dire Isa alayhi salam qui a dit, je suis annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom est Ahmed. Ainsi, il est Mohammed. Son père s'appelait Abdullah. Son grand-père s'appelait Abdul Muttalib. Mais Abdul Muttalib n'était qu'un surnom, car son vrai nom était Shayba. Son arrière-grand-père était Hashim, qui faisait partie, ainsi que son fils Abdul Muttalib, des chefs de la tribu de Quraysh. Quraysh est le nom d'une illustre tribu arabe, la plus noble des tribus arabes, car ils avaient la fonction de garder la Mecque et d'être les habitants de la Mecque, de la ville sacrée et de la maison sacrée. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait partie des élites parmi les Arabes, puisqu'il appartenait à la descendance de Hashim, qui était le plus noble parmi les Quraysh. La tribu de Quraysh remonte à Fihr ibn Malik. Il a été aussi dit qu'elle remonte à Nadr ibn Kinana, le grand-père de Fihr ibn Malik. D'ailleurs, Fihr ibn Malik, son surnom était Quraysh. C'est pour ça qu'on dit la tribu de Quraysh, c'est-à-dire les descendants de Fihr ibn Malik. Quraysh fait partie des tribus qui se sont arabisées. Leur dialecte s'est perfectionné jusqu'à devenir une langue arabe claire et éloquente. Ainsi, ils sont plus arabisés que des arabes de souche comme les Qahtan, qui eux étaient des arabes purs et anciens. C'est pour cela que l'on fait la distinction entre les termes les arabes anciens et les arabes arabisés. Les Quraysh font partie de la descendance de Ismaïl alayhi salam, fils de Ibrahim, le rapproché d'Allah. Et on sait très bien que Ibrahim et Ismaïl n'étaient pas des arabes. Donc eux sont leur descendance. Ismaïl alayhi salam a appris l'arabe de la tribu de Jurhum et il est devenu même plus éloquent que les arabes qui venaient du Yémen et de cette tribu-là. Il a maîtrisé la langue arabe autant qu'eux, si ce n'est mieux qu'eux. Et sa descendance, c'est une descendance d'arabes arabisés qui sont les Quraysh et qui sont devenus la plus illustre des tribus des arabes. Donc les Arabes se divisent en deux parties, les Arabes arabisés et les Arabes de souche, purs et anciens. Puis le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit, il vécut jusqu'à l'âge de 63 ans, dont 40 ans avant la prophétie, et 23 en tant que prophète et messager. Il fut consacré prophète par le verset Iqra. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut consacré prophète par le verset Li Iqra. En effet, le premier verset qui lui fut révélé, c'est Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa. Li, au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Il devint prophète en recevant la révélation de ce verset et il nous a informé que Jibril était venu le voir alors qu'il était dans la grotte de Hira et lui avait enseigné le début de cette sourate. Puis le cheikh dit, il fut consacré messager par la sourate Al-Muddathir. Sa ville de naissance était la Mecque. Allah le chargea d'avertir contre le polythéisme et d'appeler à l'unicité. La preuve à ce sujet est sa parole Ya ayyuha al-Muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujaza fahjur. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et proclame la grandeur de ton Seigneur, et tes œuvres purifie-les, et de toute impureté écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir plus, et pour ton Seigneur en Dieu. Le cheikh dit, lève-toi et avertis signifie avertis contre le polythéisme et appelle à l'unicité. Et proclame la grandeur de ton Seigneur signifie glorifie-le en l'adorant exclusivement. Et tes œuvres purifie-les signifie purifie tes actes de toute association. Et de toute impureté écarte-toi, les impuretés sont les statues et s'en écarter implique de les délaisser ainsi que leurs adorateurs et de se désavouer d'elles et de leurs adorateurs. Donc, après une courte période de la révélation de Sourate Iqra, Jibril revint au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec la Sourate Al-Muddathir, Il fut ainsi consacré messager par sa parole, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir. Ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. El muddathir signifie celui qui s'enveloppe d'un habit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut interpellé de la sorte, car après avoir reçu la première révélation, ce qui fut un moment très éprouvant pour lui, il retourna à sa famille en disant « Couvrez-moi, couvrez-moi, enveloppez-moi, enveloppez-moi ». En effet, il fut très effrayé par ce que lui avait fait subir Jibril alayhi salam lorsqu'il l'avait compressé avec force à plusieurs reprises. Et il lui avait dit « Lis ». Tout ceci lui servit d'introduction et de préparation pour l'immensité des fardeaux que comporte la mission de messager. Lève-toi et avertis. Quand Allah lui dit lève-toi et avertis, donc il fut consacré messager par l'ordre qu'Allah lui a donné d'avertir les gens. Et proclame la grandeur de ton Seigneur signifie magnifie-le par l'unicité. Et tes œuvres purifie-les signifie purifie tes actes de tout polythéisme. Ce n'est pas la purification des vêtements qui est visée dans ce verset, car la prière n'était pas encore légiférée à cette époque. Ce qui est voulu ici est la purification des actes. Ceci est similaire à la parole d'Allah. « وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ » Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. Ceci montre bien que les actions sont parfois qualifiées de vêtements. Et de toute impureté écarte-toi, les impuretés sont les statues, et s'écarter d'elles signifie les délaisser, les désapprouver, elles ainsi que leurs adeptes. Puis le cheikh dit, il passa 10 ans ainsi à prêcher à l'unicité. Donc pendant 10 années, il a appelé à l'unicité, il avertissait contre le polythéisme, ordonnait aux gens de délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah, tels que les statues, les idoles, etc. Et d'unifier Allah dans leur invocation, dans leurs vœux, dans leurs sacrifices, dans tous les actes d'adoration. Puis le cheikh dit, après cette décennie, il fut élevé au ciel lors d'un voyage nocturne dans lequel les 5 prières quotidiennes lui furent prescrites. Il accomplit ses prières à la Mecque pendant 3 ans. Donc après ces 10 années, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été élevé au ciel avec l'ange Jibril alayhi salam. Les portes du ciel s'ouvrirent à lui jusqu'à ce qu'il parvienne à un lieu très élevé qui se trouve au-dessus du 7e ciel, au point qu'il entendit le grincement des plumes, c'est-à-dire les plumes qui écrivent la révélation ou les affaires relatives à la gestion de l'univers. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala l'appela, lui parla et lui prescrit les 5 prières quotidiennes. Initialement, Allah lui avait ordonné 50 prières, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de lui demander l'allègement jusqu'à ce qu'Allah ne lui en prescrive que 5 et lui dise « Leur nombre est de 5, mais elles sont de 50 dans la mer du livre. » C'est-à-dire leur récompense est de 50. Ainsi, quiconque est assidu à ces 5 prières et les accomplit, Allah lui comptabilisera la récompense de 50 prières. En effet, la récompense est toujours multipliée par 10. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redescendit avec ce commandement et la prière fut maintenue à un nombre de 5 pour une journée entière, c'est-à-dire un jour et une nuit, qui sont al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha et al-fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les pria pendant 3 années à la Mecque jusqu'à ce qu'il émigre vers Médine. Puis le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit, puis il reçut l'ordre d'émigrer à Médine. L'émigration, al-hijra, désigne le fait de quitter un pays de polythéisme pour se rendre dans une terre d'islam. Son obligation demeurera jusqu'à ce que l'heure arrive. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Dans le sens de ces paroles, ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont en état d'injustice avec eux-mêmes, ils leur dirent « Où en étiez-vous à propos de votre religion ?»« Nous étions impuissants sur terre, » dirent-ils. Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ?»« Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination !» À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, qui sont incapables de se débrouiller et ne trouvent aucune voie. À cela, il se peut qu'Allah accorde le pardon. Allah est clément et pardonneur. Et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Al-Baghawi rahimahullah a dit, ce verset a été révélé au sujet des musulmans qui étaient restés à la Mecque et n'avaient pas encore émigré. Allah les a interpellés par le nom de croyants. La preuve de l'émigration tirée de la sunna se trouve dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'émigration ne cessera que lorsque cessera le repentir, et le repentir ne cessera que lorsque le soleil se lèvera à son occident. Fin de citation du livre. Donc, après l'intensification des sévices que les Quraysh faisaient subir aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants, Allah tabaraka wa ta'ala leur ordonna d'émigrer vers Médine. Allah ta'ala ordonna aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de quitter la Mecque où ils enduraient toutes ces injustices et tous ces sévices des Quraysh pour s'installer à Médine où se trouvaient les Ansar, c'est les auxiliaires, ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont cru en lui, l'ont protégé, l'ont défendu, corps et âme. Les Ansar lui avaient préalablement fait pacte d'allégeance à l'occasion du pèlerinage, en lui promettant qu'il le défendrait lorsqu'il viendrait les rejoindre. Qu'Allah soit satisfait d'eux et qu'il leur donne satisfaction. Ainsi, lorsque le pacte fut conclu et qu'Allah lui accorda la permission d'émigrer, il émigra vers eux. D'autres compagnons avant cela avaient déjà émigré en terre d'Abyssinie et étaient restés auprès du Najashi, le Négus, pendant une certaine période. Le reste des compagnons qui n'avaient pas encore émigré vinrent les rejoindre. C'est ainsi que tous s'établirent à Médine. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Puis le cheikh dit, après s'être implanté à Médine, il reçut l'ordre d'accomplir le restant des actes légiférés tels que la zakat, le jeûne, le pèlerinage, l'appel à la prière, le combat dans le sentier d'Allah, le commandement du bien, l'interdiction du mal et tous les autres actes de la législation islamique. Donc tous ces actes qui font partie de la législation islamique ont été révélés les uns après les autres à Médine. Que ce soit, donc la prière, on a dit, c'était à la Mecque. Il a accompli 3 ans la prière à la Mecque, puis le reste à Médine. Alors que la zakat, le hajj, le jeûne, l'adhan, le djihad, le commandement du bien, l'interdiction du blâmable, etc. Tous ceux-ci ont été révélés à Médine. Puis le cheikh dit, cette période dura 10 années, c'est-à-dire la période de Médine, dura 10 années. jusqu'à ce qu'il décède. Sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, sa religion est restée intacte. Voici sa religion. Il n'existe pas de bien sans qu'il l'ait indiqué à sa communauté, et il n'existe pas de mal sans qu'il l'en ait averti. Le bien qu'il a indiqué à sa communauté est l'unicité, ainsi que tout ce qu'Allah aime et agrée. Et le mal contre lequel il l'a mis en garde est le polythéisme, ainsi que l'ensemble de ce qu'Allah déteste et réprouve. Allah l'a envoyé à l'humanité entière et a ordonné à l'ensemble des djinns et des hommes de lui obéir. La preuve à ce sujet est sa parole, subhanahu wa ta'ala, « قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا » Dis au Muhammad, ô vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Allah a parachevé la religion par son biais. La preuve à ce sujet est sa parole, subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Quant à la preuve de la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle est dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawma al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Tu mourras et ils mourront ensuite le jour de la résurrection. Vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. On voit ici qu'après qu'Allah Ta'ala ait complété la religion par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le rappela à lui 10 années après l'Hégire. Après qu'il ait transmis avec clarté, après qu'Allah ait parachevé la religion par son intermédiaire et qu'il ait accompli son bienfait, Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. » Tu mourras et ils mourront. Ensuite, le jour de la résurrection, vous disputerez auprès de votre Seigneur. Puis le cheikh dit, aussi, les gens seront ressuscités après leur mort. La preuve à ce sujet est sa parole, subhanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est d'elle, c'est-à-dire de la terre, que nous vous avons créé. Et en elle, nous vous ferons retourner, et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore. Et sa parole, subhanah, Wallahu anbatakum min al-ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. C'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Et après qu'ils soient ressuscités, on leur demandera des comptes et on les rétribuera selon leurs œuvres. La preuve à ce sujet est sa parole, subhanah. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجَزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجَزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent et récompensent ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Et quiconque renie la résurrection est tombé dans la mécréance. La preuve à ce sujet est sa parole, subhanah. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, mais si par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. Les gens seront ressuscités après leur mort, comme Allah Ta'ala a dit dans le sens de ses paroles, c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, mais si par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Puis tous ces gens seront jugés et récompensés le jour de la résurrection. Ils recevront leur livre dans leur main droite ou dans leur main gauche. Le bienheureux le recevra dans sa main droite, tandis que le malheureux recevra dans sa main gauche. Le bienheureux aura sa balance lourde de bonnes actions, alors que celle du mécréant et du malheureux sera légère ou insignifiante. Ceux qui vivent dans la désobéissance sont en danger, car bien qu'il soit possible que leur balance de bonnes actions soit contrebalancée par un repentir ou par le pardon d'Allah ou par de bonnes actions, il est également possible qu'elles restent légères à cause de leurs péchés et qu'ils soient alors parmi les gens de l'enfer. Si c'est le cas, ils y seront châtiés pendant une période qu'Allah décidera. Puis il les fera sortir, subhanallah, de l'enfer, du fait qu'ils sont morts en tant que musulmans. Il est donc nécessaire pour chaque personne responsable de faire très attention aux mauvaises actions et de persister dans le repentir et la droiture, car elle ne sait jamais quand son terme parviendra. Que le musulman fasse preuve d'une grande vigilance en restant ferme et en luttant contre son âme jusqu'à ce qu'elle se corrige et suive la vérité, et qu'il fasse un repentir sincère pour l'ensemble de ses péchés, afin que lorsque la mort viendra le surprendre, il soit sur un droit chemin, en train d'accomplir de bonnes actions. Ainsi, il récoltera le bonheur et la paix le jour de la résurrection. Puis le cheikh dit, Allah a envoyé l'ensemble des messagers pour annoncer la bonne nouvelle et pour avertir. La preuve à ce sujet est sa parole, subhanah, Rusulam mubashirina wa mundhirina liyalla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Des messagers annonciateurs, avertisseurs, afin que les gens n'aient plus d'arguments contre Allah après les messagers. Le premier d'entre eux fut Noé, et le dernier d'entre eux fut Muhammad. Et il est le sceau des prophètes. La preuve que le premier d'entre eux fut Nuh est dans sa parole. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Donc ici le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab cite que tous ces messagers ont été envoyés à l'humanité entière, aux hommes et aux djinns, et que le sceau de tous ces prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun prophète après lui. De même, tous les messagers furent envoyés à leur communauté en tant qu'annonciateurs et avertisseurs, et ceci du premier au dernier. Concernant l'avis de Cheikh, lui, il voit que le premier fut Nuh. En réalité, Adam alayhi salatu wa salam était aussi un prophète. Donc il y a divergence sur ce sujet. Et l'avis de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, c'est que il voit que c'est Nuh le premier. Allah l'envoya lorsque le polythéisme fit apparition au sein de son peuple. Et avant cela, il y avait Adam alayhi salam qui était un prophète messager, ayant également reçu l'ordre de transmettre le message à sa descendance afin qu'ils adorent Allah en appliquant la législation qu'avait apportée leur père Adam. Ensuite, toute sa descendance resta fermement attachée à l'islam jusqu'à ce qu'apparaisse le polythéisme chez le peuple de Nuh. C'est alors qu'Allah envoya Nuh à son peuple. Il fut ainsi le premier messager envoyé sur terre après l'apparition du polythéisme. C'est pour ça qu'on dit, et ceci est l'avis le plus juste, Inch'Allah, qui est l'avis de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, on dit que le premier prophète est Adam et le premier messager est Nuh. Car la différence en réalité entre un prophète et un messager, c'est que le messager est envoyé à un peuple contrevenant, mécréant, alors que le prophète est envoyé à un peuple croyant. comme Adam alayhi salam, tous ses enfants étaient croyants, alors il a été envoyé à eux. On dit que c'est un prophète et non un messager, à la différence de Nour qui a été envoyé au premier peuple dans lequel le polythéisme est apparu. Allah Ta'ala a envoyé un messager à chaque communauté. Par exemple, il envoya Houd au peuple de Ad, Salih au peuple de Thamoud, Ibrahim, Lout et Shu'aib à une époque rapprochée. Puis les messagers se succédèrent les uns après les autres. On compte parmi eux Moussa, Haroun, Isa, Ayyub, Daoud, Suleyman, alayhim salat wa salam. Leur mission fut achevée et le dernier des messagers qui est venu parachever la prophétie est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier et le meilleur d'entre eux. Allah Ta'ala dit des messagers annonciateurs, avertisseurs, afin que les gens n'aient plus d'arguments contre Allah après les messagers. Dans sa parole annonciateur, cela signifie qu'ils sont venus annoncer la bonne nouvelle du paradis à quiconque leur obéit. Et quand il dit avertisseur, cela signifie qu'ils sont venus mettre en garde contre le polythéisme et contre l'enfer et le châtiment douloureux destiné à ceux qui s'opposent à son ordre. C'est à cet effet que Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a été envoyé. Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Ya ayyuhan nabiyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira » Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission, « Wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira » appelant à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Et Allah Ta'ala a dit aussi, « Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin » Muhammad n'a jamais été le père de l'un d'entre vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Il incombe donc à chaque communauté de suivre son messager et de se soumettre à la guidée que chacun d'entre eux a apportée de la part d'Allah, car Allah leur a promis le bonheur d'ici-bas et dans l'au-delà en échange. Cependant, la plupart des créatures ont désobéi, ils ont contrevenu au message de leur messager et se sont opposés à eux. Allah a dit à leur sujet, « وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ » Et la plupart des gens ne sont pas croyants, malgré ton désir ardent. Et il a dit, Subhanahu, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Et il a dit, Subhanahu, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ Il n'y a que peu parmi mes serviteurs qui sont reconnaissants. Et il a dit, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ Et Satan et Iblis a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils l'ont suivi, sauf un petit groupe parmi les croyants. Puis le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab reprend et dit, à chaque nation, Allah a envoyé un messager, depuis Nuh jusqu'à Mohammed, pour leur ordonner d'adorer Allah exclusivement et de se préserver de l'idolâtrie du Tawhout. La preuve à ce sujet est sa parole « وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ » Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tawhout ». Chaque messager est venu appeler sa nation à adorer Allah exclusivement, à délaisser le polythéisme et les péchés. Ce qui est signifié par adorer Allah, c'est obéir lui et adorer-le exclusivement et rester fermement attaché à sa religion. Puis le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab a dit, Allah a rendu obligatoire pour chaque serviteur de mécroire au Tawhout et de croire en Allah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, le Tawhout désigne toute chose adorée, suivie ou obéie par laquelle la personne dépasse les limites autorisées, Aussi les Tawarit, qui est le pluriel de Tawarut, sont nombreux, mais leurs chefs sont au nombre de 5. 1. Iblis, qu'Allah le maudisse. 2. Quiconque est adoré en dehors d'Allah et en est satisfait. 3. Quiconque appelle les gens à ce qu'ils l'adorent. 4. Quiconque prétend connaître une partie de l'invisible ou de l'imperceptible. 5. Quiconque juge par autre que ce qu'Allah a révélé. La preuve de cela est dans sa parole. La ikraha fid din. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Nulle contrainte en religion. Le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Quiconque mécroit au tarout, tandis qu'il croit en Allah, a certes saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Fin de citation du livre. Le tawarut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait de cela. Tout ce qui ne juge pas d'après ce qu'Allah a fait descendre ou incite à cela. Le mot tawarut est un dérivé du mot taurian qui signifie le fait de dépasser les limites. Par conséquent, le tawarut est celui qui a enfreint les limites. Soit en commettant un acte de polythéisme ou de mécréance, ou parfois cela peut être une désobéissance. Ou bien en appelant à cela. Le chef et le pire des tawarit, c'est Shaytan. De même, celui qui appelle à ce qu'on l'adore, ou bien qui est satisfait d'être adoré en dehors d'Allah, tabarak wa ta'ala. Comme c'était le cas de Pharaon et de Nimrud. Il en est de même pour ceux qui prétendent connaître l'invisible et l'imperceptible, comme les astrologues, les sorciers, les voyants, les devins, et tous ceux qui volontairement ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé. Ceux-ci sont les chefs des tawarit. Celui qui dépasse les limites et sort du cadre de l'obéissance d'Allah est donc appelé ainsi. Allah a dit, nulle contrainte en religion, le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Quiconque mécroit au tawarut tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. Le fait de mécroire au tawarut dans ce verset signifie se désavouer d'eux, être convaincu de la fausseté des tawarit et de leur illégitimité, et de se désavouer du polythéisme. Croire en Allah ici veut dire être convaincu qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration, qu'il est le vrai Dieu. Croire en sa législation. Croire en ce avec quoi est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et se soumettre à cela tel un croyant. Saisir l'anse la plus solide, ça veut dire s'accrocher à la parole la ilaha illallah, qui est la parole de tawhid. Qui ne peut être brisée, c'est-à-dire qu'elle est indestructible. Au contraire, quiconque s'y accroche fermement et sincèrement parviendra au paradis et obtiendra la générosité d'Allah tabarak wa ta'ala. En effet, le paradis exige des devoirs qui sont le fait d'adorer Allah exclusivement, de lui obéir et de suivre sa religion. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et messagers. Il a été envoyé par Allah à tous les habitants de la terre, djinn ou homme. Aussi, il est obligatoire à toute personne responsable de lui obéir et d'appliquer sa législation. Il n'est permis à personne de s'en affranchir, car sa législation est venue abroger l'ensemble des législations antérieures. Allah a dit au Muhammad, ô vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Et avant cela, il a dit, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعْهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux qui croient en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivent la lumière descendue avec lui. Ceux-là sont les gagnants. Et il a dit, subhanahu, وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. Quiconque d'entre les groupes n'y croit pas, aura le feu comme rendez-vous. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, pas un seul parmi cette communauté, que ce soit un juif ou un chrétien, entend parler de moi puis meurt sans avoir cru à ce avec quoi j'ai été envoyé, sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Et les versets et les hadiths qui vont dans ce sens sont très nombreux. De plus, les gens de science se sont tous accordés et sont unanimes sur le fait qu'il n'est autorisé à personne de cette communauté de dévier ou de sortir de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur le fait que toute personne convaincue du contraire a commis un acte de mécréance majeur, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'islam. Nous demandons à Allah de nous préserver. Puis le cheikh finit en disant, et dans le hadith, Ra'sul amri l'islam wa amuduhu s-salah wa dhurwatu sanamihi l-jihadu fi sabilillah. La tête du commandement est l'islam, son pilier est la prière, et son point culminant est le combat pour la cause d'Allah, et Allah est plus savant. Il incombe donc à toute personne responsable d'adorer Allah uniquement, sans lui associer quoi que ce soit, de mécroire au tarout, et de réprouver et dénoncer son adoration, de s'attacher à l'unicité au tawhid, de suivre la législation d'Allah, en accordant une grande considération à ses ordres et à ses interdits. Dans ce hadith, quand il dit la tête du commandement, cela signifie la base de la religion islamique. Celle-ci est la double attestation. Ainsi, quiconque la prononce et la met en application est entré en islam. Son pilier est la prière, c'est le deuxième pilier après les deux attestations. Elle est suivie de la zakat, puis du jeûne, du pèlerinage et du reste des actes obligatoires. Son point culminant est le combat dans la cause d'Allah, car c'est par son biais que la religion est préservée et c'est un moyen d'appeler les gens à Allah et de faire accepter la vérité. Ainsi, elle constitue son point culminant si l'on considère qu'elle permet de préserver la religion et d'appeler les gens à la vérité. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Nous avons fini ensemble la lecture de cette épître avec une explication succincte. Qu'Allah nous permette d'en comprendre les sens et de les mettre en pratique.